place pour nous coûter bé, qu'on lâche une petite bé. Ou pour vache la lettre là ou pas même bon outil bien bé. Allez, bon nous l'est, nous jouet, trop galère. C'est devant nous les aller, même si ou pas bon nous valait. Pas peine ou pas colère, péqué mort de faveur, passons l'air ou à katoune, ça qui en bas qui finit en l'air. Trop Freddy Michalet, a tellement batalé. Kouta, nous ni tout à tout à du cette au valet, yeah. Au combat que nous y est, nous pas peuple en couille. Nous décider vivre nous et si ou pas et puis nous pas flipper nous qui débrouiller. Au combat que nous y est, nous pas peuple en couille. Nous décider vivre nous et si ou pas et puis nous pas flipper nous qui débrouiller, nous qui débrouiller. Sans m'agouiller, c'est pas la pluie qui a fait que maillot a mouillé. Même si histoire la souillé, pas comprendre nous pas fouillé. Nous savons côté nous sortir, nous savons côté nous, yeah, yeah. Last one nous pour team of mine. Ou traiter nous comme bétail. Pas ni moyen qu'à nous plaire pas. Nous qu'à goûter mais pour ni temps nous et pas besoin de ça. Convaincre nous, yeah. Nous pas peuple en couille. Nous décider vivre même nous. Et si ou pas et puis nous pas flipper. Nous qu'est débrouillé. Au combat qu'elle nous y est. Nous pas peuple en couille. Nous décider vivre avec nous. Et si ou pas et puis nous pas flipper. Nous qu'est débrouillé. Nous kagoumé et puis l'amour nous sans âme. Pour sauver l'homme nous t'es kawé en plus wow, wow, parce que nous t'es à genoux hey, hey. Tiens bébé tous les jours. Pas seulement pour faire l'argent. Nous c'est des combattants l'amour. Et même si ni rage à dans chez nous. Nous qu'a prié pour pas venir fou. Fais tout pour toujours ni love à dans chez nous. Au combat que nous y est. Nous pas peur pour couper. Nous décider vivre avec nous. Et si ou pas et puis nous pas flipper. Nous qu'est débrouillé. Au combat que nous y est. Nous pas peur pour couper. Nous décider vivre avec nous. Et si ou pas et puis nous pas flipper. Nous qu'est débrouillé. Nous qui débrouillons, nous qui débrouillons, nous pas flipper, au combat que nous.